Bienvenue dans ce 3 films sinon rien. Alors, pourquoi on passe à 3 films? Eh bien, c'est parce que l'ami Le Corbeau nous rejoint dans cette grande aventure. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de films de Noël et d'un western apporté par Le Corbeau. Donc, on va parler dans l'ordre de Dean Valley of Violence, donc chroniqué par Le Corbeau, qui est un western. Et à la surprise générale, je crois que Le Corbeau n'a pas beaucoup aimé. Puis, on parlera de Red One, qui est la nouvelle boursouflure de Noël d'Amazon. Puis, enfin, on terminera par Terrifier 3. Oui, je sais, encore une fois, mais j'en avais jamais fait une vraie chronique bien écrite. Donc, cette fois, c'est le moment, et je vous promets, c'est la dernière fois qu'on en parlera. Alors, on commence tout de suite avec In the Valley of Violence par Le Corbeau. Et oui, avec Nostalgique, nous sommes de retour. Nous vous avons manqué, hein? Non? Bon, ce n'est pas grave. Nous sommes quand même là. Et aujourd'hui, c'est western, parce que le western, c'est toujours bien. Dans In a Valley of Violence, Paul est un ancien militaire, taiseux et sombre, qui tente de passer la frontière du Texas. Bah oui, il est normal qu'un sombre héros aille au Mexique. Qu'est-ce que je suis drôle. Enfin bref. Accompagné de sa chienne Abby, il passe par la ville de Denton, où il a une altercation avec un bouseux agressif. Enfin, un américain, quoi. Aujourd'hui, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont des pick-up à la place des chevaux, mais toujours des fusils et toujours aussi cons. Malheureusement, cette bagarre se fait avec le fils et adjoint du shérif. Ce même shérif, ayant eu vent de l'affaire, lui enjoint de quitter la ville et de ne jamais revenir. Le fils étant une tête de con, et n'ayant pas digéré de cette férocité, retrouve Paul avec ses comparses de nuit, un peu plus loin, tue sa chienne et le laisse pour mort. Monumentale erreur. Paul va revenir en ville pour décimer tous les coupables. Alors que dire? Je reviens faire des pastilles, avec plein de bonnes intentions et des étoiles dans les yeux, en me disant que j'allais voir de bons films et être gentil, compréhensif, de bonnes compositions. Mais voilà, Dieu m'a donné une mission, guider les cinéphiles vers la lumière. Ou simplement, je n'ai pas de chance et des goûts de merde. À vous de voir. Alors ce mélange de John Wick, Open Range, saupoudré de musique de Western Spaghetti, que vaut-il? Ben, un générique. Et encore, un générique est censé copier un produit de marque, mais quand même fonctionner. Ben là, ce n'est pas le cas. Ethan Hawke trimballe sa paralysie faciale, John Travolta qui ne quitte jamais son Stetson pour masquer sa calvasse, vient toucher sa cotisation pour la Scientologie, vous ajoutez Tessa Farminga et Karen Gillan en joli pot de fleurs, 10 figurants, et vous obtenez ce DTV peu inspiré qui se laisse regarder, mais sans passion. Il a pour lui une durée de 104 minutes. Qui nous font dire qu'au moins Key West, le réal, a le bon goût de ne pas étirer son propos. Comme n'importe quel cinéaste actuel sur 2h30, voire 3h. Chose appréciable quand on n'a rien à dire. Quitte à se faire plaisir dans l'Ouest sauvage, revoyez plutôt Open Range ou Impitoyable. Maintenant que Le Corbeau a dit tout ce qu'il avait à dire sur ce western apparemment très générique, on va pouvoir parler de Red One. Red One qui est donc la nouvelle boursouflure de Noël de chez Amazon. Pour tout vous dire, Red One me fait regretter le stupéfiant Noël de l'année dernière. Avec le budget café de ce film, des gars plus doués ou plus impliqués, simplement, ont pu réaliser des films comme Terrifier 3, Life After Fighting ou encore City of Darkness. Quoique le budget de celui-là, c'est peut-être café plus touillette, mais enfin bon. Le gros molasson derrière ça a réussi à faire foirer ses CGI, laisse dérouler platement un scénario inepte, ne dirige pas son casting et touche son chèque en se grattant les couilles. Bref, si je devais nommer un flan industriel, il s'appellerait Jack Kasdan. Mais c'est pas le seul fautif, le cast justement ne l'aide pas. The Rock continue de faire son seul et unique rôle, et comme depuis quelques années, il le fait sans intérêt ni passion, autre que celle de toucher son chèque. Et il n'est pas le seul, ils sont au moins deux à s'en battre les glaouis de concert. Chris Evans n'a pas plus d'intérêt pour ce film que son comparse chauve. Sa carrière hors MCU sent déjà le sapin, et c'est de circonstance. Seul J.K. Simmons semble parfois s'amuser à jouer au Père Noël, il est quand même un peu bridé dans son plaisir par un scénario indigent qui mange à tous les râteliers, un peu de Noël à l'américaine, une pointe de mythologie nordique, un soupçon de récit biblique et on secoue le tout avec une pseudo-irrévérence. C'est un peu le combo cinématographique chocolat chaud, chantilly, marshmallow, cannelle, M&M's, lait de poule, yuzu. Bref, gagnez votre temps, donnez votre intérêt à The Rock ou Chris Evans à mesure de leur implication et épargnez-vous ce truc boursouflé, boosté à l'ego de fumiste. Et enfin, on va parler maintenant de Terrifier 3. Après avoir surkiffé les deux premiers volets à la maison, j'ai pu voir ce troisième opus sur grand écran. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ESC et Shadows qui se battent en France pour que l'on ait accès à ce genre de cinéma, au cinéma justement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette sortie est une anachronie, une faille temporelle. on est quand même très loin de l'âge d'or du gore au cinéma. Ça fait bientôt 30 ans que Braindead a fermé le bal avec brio. Moi qui ai grandi avec les vidéoclubs, je n'ai jamais vécu des films gore qu'en VHS à la maison. Lorsque j'aurais eu l'âge d'en voir au cinéma, eh ben c'était fini. Je suis de la génération qui a vu Scream et Halloween H20 au cinéma. Alors, c'est bien mignon, mais c'est pas 2000 Maniacs ou From Beyond. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, aussi divertissant, si si, je vous jure, que ce soit, ce Terrifier 3, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. On est sur un vrai bon gorefest à l'ancienne, plus proche dans l'esprit de Herschel Gordon Lewis que de Peter Jackson ou Sam Raimi. Mais punaise, à une époque où le cinéma ne jure que par les SFX numériques, voire Red One par exemple, hein, où on peut vous envoyer en 3D sur Pandora, où les super-héros n'ont plus l'air de Gugus en pyjama, mais où les zombies sont propres et où les blessures ne saignent plus, et ben c'est vachement rafraîchissant de voir que certains n'ont pas peur de foutre les mains dans la tripaille et d'éclabousser les murs, avec un plaisir de sale gosse. Alors ok, c'est pas un spectacle pour tout le monde, j'en conviens. Ça vise un vrai public de niche. Mais c'est cool de faire des choix tranchés et de s'y tenir. Donc, merci USC et merci Shadows, continuez le combat et je continuerai d'aller voir vos films. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, salut à tous !